Des étrangers qui avaient visité la Corée ont exalté vivement le maréchal Kim Jong-un qui prodigue l'amour sublime au peuple. Le chef de la délégation de l'annexe de l'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie en visite en Corée a indiqué comme ce qui suit. Tout le potentiel humain, matériel et technique de l'État est mobilisé pour la réparation des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Et tous les militaires et civils coréens se sont engagés dans la réparation des dégâts comme un seul homme. Nous avons vu de nos propres yeux toute cette réalité. La mort du maréchal Kim Jong-un, qui n'épargne rien pour le peuple, a créé la grande réalité de la cohésion sans pareil. Un membre de la délégation de l'Association de la jeunesse d'Addis Abeba, Éthiopie, a souligné comme ce qui suit. Il y a beaucoup de dirigeants d'État qui se prétendent dévoués au peuple. Mais l'histoire ne connaît personne d'autre que le maréchal Kim Jong-un, qui respecte et aime le peuple et consacre tout. Le chef du corps des vacanciers de Russie a exalté comme ce qui suit. Il y a les créations monumentales pour le peuple partout en Corée. Au cours de notre séjour, nous avons constaté vivement la politique de primauté du peuple et le noble amour pour le peuple du dirigeant Kim Jong-un.